encore tant de livres à user pour trouver la clé de ces désirs qui m'enivrent l'amour de tous côtés. J'ai aimé la terre au tout premier coup d'œil, malgré le sang qui brouillait les pistes. L'espoir est là, debout au bout de nos deuils, désespérément. Sous les pavés d'un vieux monde à la dérive, abandonné au vent mauvais.